بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في المسألة السابعة والخمسين بعد المئة 157 مسألة في قوله تعالى وَإِنْ يَكُمْ صَادِقَ يُصِبْكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ Par rapport dans la danse où il dit que si jamais il est véridique vous serez atteint d'une partie de ce qu'il vous a promis. Verset 27. À propos de cet homme qui cachait sa foi parmi les gens de Pharaon, où il parle de Moussa alayhi salam, lorsque les gens de Pharaon l'ont démenti, il a répondu par cela. S'il est véridique, si jamais il ment, son mensonge ne revient que contre lui. Si jamais il est véridique, vous serez atteint d'une partie de ce qu'il vous a promis. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية من توهم المنافح بين الشرط والجزاء في البعض لأن المناسب الاشتراط الصدق وهو أن يصيبهم جميع الذي يعدهم لا بعضه مع أن تعالى لم يقل وإن يكون صادقا يصيبكم كل الذي يعدكم. Donc ce verset laisse entendre quoi? Ce qui laisse apparaître à l'esprit, ce qui laisse penser à l'esprit, qu'il y a une contradiction entre la condition émise dans le verset par rapport à l'attribution. C'est-à-dire que logiquement, ce que l'auteur veut dire, c'est que pourquoi vous serez atteint que d'une partie de ce qu'il vous a promis, alors que Moussa alayhi salam vous a menacé, c'est-à-dire par rapport à la part d'Allah azawajel, d'une chose plus grande. Donc normalement, si jamais il est véridique, vous devriez être atteint par tout ce qu'il vous a dit, et non pas qu'une partie de ce qu'il vous a dit. Donc voilà l'ishkel que pourrait laisser penser ce verset. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأجيب عن هذا بأجوبة. قال, il a dit qu'il y a plusieurs réponses par rapport à cela. من أقربها عندي أن المراد بالبعض الذي يصيبهم والبعض العاجل الذي هو عذاب الدنيا لأنه أشد خوفا من العذاب العاجل ولأنهم أقرب إلى التصديق بعذاب الدنيا منهم بعذاب الآخرة. Donc il dit la première réponse qui est la plus proche pour lui, pour l'auteur, c'est que le sens voulu par al-bard, c'est-à-dire une partie de ce châtiment qui va vous atteindre, en fait c'est la partie qui viendra hâtivement comme châtiment dans ce bas monde, tout simplement. La partie qui concerne le châtiment de ce bas monde, car celui-ci est plus effrayant من العذاب العاجل. Il veut dire par là qu'il est plus effrayant sur le champ, sur le moment, que le azab qui viendra par la suite. Pourtant, il a dit ajil, ajil, normalement, c'est précipitamment. Et Allah alam, al-zahir kanu yurid zalika. Également que le azab qui vient dans cette dunya est plus à même d'être cru que celui qui vient dans l'au-delà. Par exemple, tu dis à quelqu'un, si tu désobéis à Allah azawajal, مثلاً, tu iras au feu, en parlant au kafir. Il se peut qu'il ne croit pas. La plupart ne croient pas. Et si tu lui dis, si tu désobéis à Azza wa Jal, il se peut qu'il t'éprouve dans telle et telle chose dans ce bas monde, qu'il t'arrive un accident, qu'il t'arrive un malheur ou quoi. Et donc il dit que cela peut être plus effrayant pour lui. Car ce qu'il y a après la mort, le kafir ne veut pas y croire. Mais ce qui peut l'atteindre dans ce bas monde, comme chose, la perte de ses biens, de ses proches, cela le touche plus. هذا هو مراد المؤلف. Ça qui veut dire par المؤلف. Donc la partie qui fait le bard qui est concerné par le verset, c'est cette partie qui touche cette dunya. قال ومنها أن المعنى إن يكو صادقا فلا أقل من أن يصيبكم بعض الذي يعدكم وعلى هذا فالنكتة المبالغة في التحذير لأنه إذا حذرهم من إصابة البعض أفاد أنه مهلك مخوف أو مخوف فما بال الكل وفي إظهار الكمال الإنصاف وعدم التعصب ولذا قدم الاحتمال كونه كاذبا. Et l'autre sens qui veut dire par là, par rapport à ce verset, c'est que si jamais Moussa est véridique, alors le minimum, c'est-à-dire le minimum qui pourrait vous atteindre, c'est une partie de ce qu'il vous a dit. Ça veut dire qu'en fait, cette osloub-là, c'est, comment dire, pour faire encore plus peur à la personne. Quand on dit, si jamais une partie de ce qu'il t'a dit va certainement t'atteindre, alors normalement, tu devrais avoir encore plus peur de tout ce qui devrait t'atteindre dans les choses qu'il t'a promis, ou plutôt il t'a menacé. Et également, il dit que cela est un usloub qui montre l'absence de fanatisme. Car cet homme-là, dans la partie du verset, il a commencé en premier lieu en disant que si jamais Moussa est un menteur, alors vous n'avez pas à avoir peur de son mensonge. C'est en tournant contre lui, donc vous n'avez pas à vouloir lui faire de mal. Mais par contre, si jamais il est véridique, vous serez atteint d'une chose ou d'une partie de ce qu'il vous a promis. Ou plutôt, on dira menacé. Donc il a voulu faire comprendre par là que lui, il est en fait dans le sens, il est neutre, bien que lui avait la foi en ce que Moussa avait donné, mais pour pouvoir ouvrir les portes du retour à son peuple. Car s'il avait dit directement, si Moussa a raison, il va vous arriver telle chose, ils vont dire, lui c'est un fanatique, il ne veut pas écouter l'autre hypothèse. Alors il a commencé par quoi? L'autre hypothèse que ce peuple voulait faire entendre, que Moussa est un menteur, donc il a dit, si jamais c'est un menteur, vous n'avez rien à craindre, et son mensonge lui fera du mal à lui et pas à vous. Donc laissez-le tranquille. Et si jamais il a raison, par la suite, le verset comme il était cité. Non. Donc ça, c'est la démarani. Wa minha an al-lafza al-ba'd yuradu biha al-kul. Wa alifa ma'na ba'du al-lazi ya'idukum, kul al-lazi ya'idukum, wa min shawahidi hadha fi al-lugha al-arabiyya. Et il dit également, tout simplement, que le sens de ba'd veut avoir le sens de tout également. Car ba'd en arabe, ça a une chose partielle. D'accord ? Et il dit qu'en langue arabe, le bard peut avoir un sens d'un tout. Donc il veut dire par une partie de ce qui va vous atteindre, c'est-à-dire en fait, une partie de ce qui vous a promis va vous atteindre. Il veut dire par là en fait que tout ce qui vous a promis va vous atteindre. Puis il cite des vers de poésie qui confirment que le mot bard peut avoir le sens de cool. C'est une chose qui à la base en langue arabe a une origine. Naam. Mais lui, le premier call, c'est celui qu'il a choisi. Qui est le fait de faire peur par qu'une partie du azab, du châtiment, c'est celui qui vous touchera dans ce bas monde. Wallahu ta'ala alam, wa alhamdulillahi rabbil alamin.